Prologue. Réception dans un château en Alsace. Écoutez. À votre santé, madame. À votre santé, monsieur. Tout m'a l'air parfaitement organisé, tout au moins jusqu'ici. J'espère que le repas sera bon. En tout cas, les vins ne manqueront pas si on en juge par le nombre de verres. En effet. C'est du Sylvaner 1978. On le reconnaît bien. Si je ne me trompe pas, c'est la meilleure année depuis 10 ans pour les vins d'Alsace. Celui-ci, particulièrement, a un bouquet extraordinaire et une robe d'une belle couleur. Vous ne trouvez pas? Oh, vous savez, je ne suis pas très experte en vin. Vous êtes mal tombée. Mais pas du tout. Je sens que nous allons passer une très bonne soirée. Répétez. À votre santé, madame. À votre santé, monsieur. Tout m'a l'air parfaitement organisé. Tout au moins jusqu'ici. J'espère que le repas sera bon. En tout cas, les vins ne manqueront pas si on en juge par le nombre de verres. En effet. C'est du Sylvaner 1978. On le reconnaît bien. Si je ne me trompe pas, c'est la meilleure année depuis 10 ans pour les vins d'Alsace. Celui-ci, particulièrement, a un bouquet extraordinaire et une robe d'une belle couleur. Vous ne trouvez pas? Oh, vous savez, je ne suis pas très experte en vin. Vous êtes mal tombée. Mais pas du tout. Je sens que nous allons passer une très bonne soirée.